à l'homme, l'homme crée à la bêtise. Ne vois-tu pas ces gens autour de toi plein de fils? Dans ce monde pourri de fous où gouverne la malice. Plus d'honnêtes, rien que des malhonnêtes, des frères sans tête. La malédiction pèse sur nos têtes. Que Dieu nous garde, nous préserve de la bête, car elle crée la confusion entre mes sœurs et frères. Fait déborder la goutte d'eau qui annonce la colère. Division pour l'or, le bien matériel. Quelle rude atmosphère pour des frères sans cervelle. L'union fait la force aux enfants d'intelligence. Ne soyons plus ces tâches, réveillons nos consciences. Quand le fric s'interpose, beaucoup se souillent. Font parler les couilles dans ce monde de magouille. Tom, Tom, ils deviennent fous de la somme. Dadou, Tom, Tom, ils veulent dépasser la norme. N'est pas la Jura, mais sache que dès que l'homme fut, la bêtise fut. Dans ce monde sans issue. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Éternelle dispute, l'empire court à sa chute. Les haines s'affûtent et la division s'exécute. Les luttes pour le pouvoir sont les principales causes. Dès qu'il s'agit de gloire, tes meilleurs amis se métamorphosent. Diviser pour régner, voilà leur devise. Ils te nuisent pour que tu crises, c'est la meilleure place qu'ils visent. Un peu comme il te narque, c'est une mise en garde. Séparation inévitable, tu en prends pour ton grade. L'homme déchaîne la haine déchaîne l'homme. Des séquelles se forment, que même le temps ne gomme. Amitié gâchée, pour une gâchette trop vite appuyée. Fâché, la mort l'a arraché, cela nous a séparés. Division, oh yeah, quelle maudite vision. Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Horizon sombre, horizon lugubre. Séparer nos frères par des prisons insalubres. J'en profite pour leur lancer un message. Tenez tous bon, la prison n'est qu'un passage. Oh yeah, le monde ne s'est pas fait en un jour. La division du monde ne se fera pas en un jour. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. J'ai vu des frères de sang se diviser pour l'argent. Beaucoup de gens pour l'argent baignant dans le sang. L'état a changé, les soldats sont mieux armés. Divisés pour régner, voilà leur idée. Pour étouffer nos matos, les cops ils veulent les enfermer. J'ai vu des hommes s'aimer pour une femme s'entretuer. Quelle triste histoire dans une vie sans espoir. Où on pense qu'à sa gloire en marquant son territoire. Tourbillonne, saison tourbillonne, le tonnerre donne. Dans un cyclone, cercle vicieux où tout le monde est ambitieux. Visant le sommet pour atteindre les cieux. Depuis tout petit on se bat, sans le respect des lois. Oh yeah, là pour montrer qu'on est des vrais scarlats. Différentes langues, différentes cultures, différents sûrs. Mais le cœur est le même quand il est pur. Hey, quoi? Le monde ne s'est pas fait en un jour. La division du monde ne se fera pas en un jour. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division, quel mot division? Les conflits donnent le ton, je vois mal notre horizon. Division, division.